Chapitre 12e. Reposer en paix. Fusy n'en revenait pas. De tous côtés, il tournait des yeux émerveillés. Après le cauchemar, c'était l'enchantement. Il regardait comme s'il se fût trouvé en présence d'une apparition miraculeuse. Paulin Broquet, son héros, son grand homme. Il se trouvait en présence de Paulin Broquet, dans l'appartement de Paulin Broquet, lui, Fusy. Jamais, il n'eût osé espérer pareil bonheur. Et sincèrement, naïvement, il goûtait la joie de cette aventure inattendue, fantastique, sans même chercher à se demander pourquoi elle lui arrivait. Paulin Broquet, d'ailleurs, ne le laissa pas plus longtemps dans l'inquiétude. « Fusy, tu es un brave homme, bien que t'adonnant au pari clandestin. Tu es un honnête garçon, bien que livrant des tuyaux plus ou moins douteux. Je te connais depuis longtemps et je t'apprécie, bien que tu me serves, moi et mes amis, avec moins d'empressement que M. Amblard et son compagnon Gaston Soclet. » Fusy voulait répondre, parler, dire quelque chose, il ne trouva rien. Pas un mot ne vint sous sa moustache, car la surprise redoublait. Comment ? Il servait M. Paulin Broquet ? Il le servait sans le savoir, sans s'en douter, et pas mieux que les autres ? Mais Paulin Broquet lui demanda, « Voyons, mon garçon, remets-toi. Je ne t'en veux pas, et nous serons les meilleurs amis du monde. Ah, M. Broquet, M. Broquet !» balbutia enfin le pauvre Fusy. « Monsieur Broquet, attends. Tu n'auras qu'à me répondre le plus brièvement possible. Oui, monsieur Broquet. Voyons. Tu as connu la femme de Gaston Soclet ? Oui, monsieur Broquet. Elle est morte dernièrement ? Oui, monsieur Broquet. Il y a 6 jours environ, de phtisie. Parfait. Comment était-elle ? Assez grande. Très mince, mais jolie. D'un charmant sourire, sur des dents admirables. De grands yeux bleus, tout cernés, la pauvre femme, et les joues roses, mais creuses, vous savez, comme les poitrinaires. Oui, blonde, blond cendré, ça fait très bien au soleil. Elle s'appelait Madame Soclet. Non, Monsieur Broquet, elle s'appelait Carmen D'Amata. Carmen D'Amata. Elle était autrefois artiste chanteuse. Elle a eu du succès dans les music-halls. L'année dernière encore, elle était à Lutetia. À Lutetia, oui, mais cette année, elle n'a pas pu chanter. Elle était trop malade. Elle est morte. Ah, elle a eu un bel enterrement. Des fleurs, beaucoup d'artistes, même des gens du monde. Des gens du monde. Son amant, Gaston Soclet, un charmant homme, l'adorait. Il faisait des folies pour elle. Connaissait les amis des camarades de sa maîtresse. Carmen D'Amata était intime avec Lucette Minois et M. Soclet très lié avec l'amant de Lucette Minois. Un sportsman aussi, un homme de cheval, que vous connaissez, le comte de la Guérinière. Ah, très bien, oui. Tant mieux si cette pauvre femme a eu des obsèques dignes de sa jeunesse, de sa beauté à jamais éteinte. Puis Paulin Broquet reprit. M. Soclet l'aimait beaucoup alors. Il a pensé devenir fou à la mort de sa maîtresse. Tenez, à ce point qu'il s'est trouvé mal pendant la nuit de veille du corps, quand on a cloué le cercueil. Il y avait là précisément M. Amblard, puis Lucette Minois et son amant. On a eu du mal à le faire revenir à lui, le malheureux M. Soclet. Et c'est à moitié mort lui-même qu'il a pu suivre les obsèques de son ami. Où est-elle enterrée ? Dans un caveau provisoire du cimetière Montmartre. C'est bien, merci. Paulin Broquet garda un moment le silence, éteint sous son regard gris et perçant son admirateur Fusy. Puis il reprit soudain en élevant la voix. « Alors maintenant, mon brave Fusy, tu vas te changer en escopette ?» Fusy roulait des yeux ébahis, ne comprenant pas. « En escopette ? » fit-il. « En tromblon. »« En tromblon, moi ?»« Oui. » Au lieu de rester un bon et honnête Fusy, tu vas devenir un tromblon, une arme de bandit. » Fusy sursauta. « Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Broquet ? » s'écria-t-il, alarmé. « Il ne suffit pas, ta gloire, de demeurer dans la même maison que Paulin Broquet. Tu veux devenir en outre un Z ? » « Un Z ? Un affilié de Zigomar ?» Fusy claqua des dents. « Moi, un Zigomar ? Oh, monsieur Broquet, pouvez-vous croire ? Moi, un Zigomar ?» Paulin Broquet fit un geste de la main pour calmer l'indignation du brave homme, et il lui demanda « Est-ce que tu as déjà présenté ton associé, ton complice de champ de course, Amblard, à Madame Fusy ? Tu l'as déjà amené chez toi, dans ton logement, au-dessus du mien ? Oui, monsieur Broquet, il ne fallait peut-être pas. Qu'est-ce qu'il a fait une fois chez toi, ton ami Amblard ? Il a causé avec nous, ma femme et moi, il a trouvé notre logement convenable, il a regardé par la croisée, celle qui donne au-dessus des miennes. « Oui, monsieur Broquet. Et naturellement, tu lui as dit que j'étais ton voisin. » De la tête seulement, Fusil put répondre. Toujours la manie de donner des tuyaux, fit Paulin Broquet. Et il reprit. Donc c'est jeudi que tu offres à dîner à Amblard. Oui, monsieur Broquet, en pique-nique. Monsieur Amblard tient à cela. Il n'a accepté à dîner qu'à condition qu'il fournirait le vin, le champagne et les cigares. Je m'en doutais. Paulin Broquet conclut. C'est bon, écoute-moi bien. Si tu veux rester mon ami, tu vas m'obéir à la lettre. Corps et âme, monsieur Broquet. Oui, poursuivit le détective. C'est entendu. À la vie, à la mort, comme chez tes amis. Écoute-moi. Fais comme si de rien n'était, comme si tu ne te doutais de rien. Ne souffle pas un mot de tout cela à ta femme. Fais-lui préparer un bon dîner, et quoi qu'il arrive, ne t'étonne de rien, ne t'effraie de rien. Ton dîner ne sera pas perdu, tu auras du champagne quand même, mais il est probable que ton convive ne sera pas ton ami Amblard. Pourquoi ? Parce que ton ami Amblard, c'est Zigomard. Le tonnerre tombant au pied de Fusil ne l'eut pas terrifié à ce point. Il était foudroyé par ce que lui disait Paulin Broquet. Le détective continua. Tu comprends qu'entre les mains de ces bandits, toi, mon bon et brave Fusil qui donne de bons tuyaux mais n'y voit pas plus loin que le bout de ton nez, tu n'es qu'un instrument inconscient. Ils t'ont fait entrer dans un plan de longtemps combiné. Ils te roulent et se servent de toi pour essayer de faire un nouveau mauvais coup chez moi. Fusil protesta. Ça, monsieur Broquet, vous savez, je ne le permettrai pas. Moi, vivant, on ne touchera jamais à cause de moi, Paulin Broquet. Oui, mon brave, merci. Fais comme je te dis. Ne t'occupe pas du reste, ça me regarde. Maintenant, bonsoir, va te coucher. Madame Fusil finirait par s'inquiéter, par se demander si tu n'es pas toi aussi une victime de Zigomard. Paulin Broquet tendit la main au brave Fusil pour lui dire au revoir et le fit reconduire par l'amorce. L'escalier était sombre. L'amorce ne voulut rien allumer pour mener Fusil jusqu'à la porte de l'appartement. Fusil serait bien grimpé chez lui sans lumière. Mais comme l'amorce faisait passer Fusil sur le palier, il lui sembla entendre du bruit dans l'escalier. L'amorce avança, écouta. Plus de doute, quelqu'un descendait rapidement, étouffant le plus possible le bruit de ses pas. Vivement, l'amorce tira sa lampe électrique de poche, fit jaillir la lumière et se pencha sur la cage de l'escalier. Il eut le temps d'apercevoir une main d'homme qui filait sur la rampe un étage plus bas. « Monte chez toi, » dit alors l'amorce à Fusil. « Ne dis rien. » Il enjamba la rampe, se mit à cheval et se laissa glisser au risque de se casser le cou. Il comptait par la vitesse de ce moyen de descente rattraper l'homme qui dégringolait rapidement et avait déjà sur lui une grande avance. L'amorce glissa admirablement, se brûlant un peu les mains, les cuisses, en glissant à cette allure folle. Mais tout à coup il cessa de glisser. La rampe, jusqu'ici, lisse à souhait, lui sembla devenir soudain rugueuse, comme une râpe, comme une lime. Elle accrochait son pantalon et ses mains s'y collaient. Plus moyen d'avancer. L'homme qui descendait avait saupoudré de poussière fine de résine la rampe et la résine empêchait une glissade, retenait absolument le glisseur. La mort sauta lors de la rampe et, au grand galop, se mit à descendre l'escalier, sa lampe électrique à la main. Il ne gagna plus assez de terrain sur celui qu'il poursuivait. Et comme il arrivait aux dernières marches donnant sur le vestibule, la porte d'entrée se referma derrière le fuyard qui filait. L'amorce pensa qu'il était inutile de réveiller le concierge, de faire tirer le cordon. Pendant ce temps, son homme aurait disparu et c'eût été folie de penser le rejoindre, le voir seulement dans la rue. Il remonta donc faire part de cela à Paulin Broquet. Le détective ne s'en montra pas outre mesure étonné. Nous devons nous attendre à tous les coups d'audace maintenant. C'est la guerre sans relâche, le combat sans merci. L'issue est proche. La victoire doit appartenir à Zigomard ou à Paulin Broquet. Il est logique que le crime s'exaspère et frappe de grands coups, mais nous devons, nous, compter sur l'heure de la justice. Il conclut. En tout cas, l'homme, le Z, qui se trouvait dans l'escalier, s'il a certainement vu comment nous avions fait entrer Fusil chez nous, est persuadé que jusque-là il n'était pas notre allié. Et il ne peut rien savoir de ce qui vient de se passer ici. Mais il est plus que probable que si Zigomard a combiné ce qui est tout indiqué un coup pour jeudi, avec la complicité inconsciente de ce brave garçon, il y renoncera. Nous voici tranquilles de ce côté. Donc nous pouvons sans plus de soucis nous occuper de la tête coupée. Il serra la main de ses lieutenants. Maintenant, mes amis, au revoir. Allons prendre quelques heures de repos. Demain sera chargé. Dans la matinée, Paulin Broquet, avant de se rendre au quai des Orfèvres, eut soin, maintenant qu'il savait le nom de la jeune artiste si douloureusement dépecée, de se munir de son portrait. C'était chose facile. Il y en avait chez les marchands de cartes postales, dans la galerie des jolis artistes de Paris. Mais dans ses portraits, bien éclairés, bien préparés, extrêmement retouchés, il était absolument impossible, certes non pas de reconnaître la personne vivante, mais de retrouver quoi que ce soit qui approchât de cette chose horrible, épouvantable, qu'était devenue sous les affreuses mutilations cette tête de jeune femme, d'ailleurs réellement charmante autrefois. Paulin Broquet, cependant, put apprendre que Carmen D'Amata avait les yeux gris-bleus, un sourire délicieux, des dents pouvant rivaliser avec celles de Lucette Minois, sa camarade, et celles de la mystérieuse femme rousse. Il sut également que ses cheveux très longs étaient blonds cendrés. Il put même, chez le coiffeur qui venait onduler la jeune artiste avant qu'elle fût malade, se procurer des cheveux d'elle, des chichis, qu'elle commanda ces derniers temps et qu'elle ne devait jamais porter. Donc Paulin Broquet acquérait des preuves nouvelles qui appuyaient ses affirmations quand il déclara qu'on avait passé à l'eau oxygénée après la mort la chevelure blond cendrée. C'était déjà un précieux indice qui permettait de croire que ce brave fusil, sans s'en douter, avait donné le bon tuyau. Il n'y avait plus maintenant qu'à voir si dans le cercueil de Carmen D'Amata la tête manquait.